et une petite voix fit entendre ces mots. « Bonne demoiselle Stahlbaum, levez-vous sans hésiter, une bonne nouvelle. » Marie reconnut la voix du jeune casse-noisette, passa rapidement sa robe et ouvrit la porte. Casse-noisette était au dehors, son sabre sanglant dans la main droite, une bougie dans l'autre. Aussitôt qu'il aperçut Marie, il fléchit le genou et dit « Oh, dame, c'est vous seule qui m'avez enflammé d'un courage chevaleresque et avez donné de la force à mon bras pour combattre le superbe qui voulait vous braver. Le roi des souris vaincu est baigné dans son sang. Ne refusez pas, ô dame, le gage de la victoire offert par votre chevalier dévoué jusqu'à la mort. » Alors Casse-Noisette sortit très adroitement de son bras gauche, où elles étaient passées comme des anneaux, les 7 couronnes du roi des souris, et les présenta à Marie qui les reçut avec joie. Casse-Noisette se releva et continua de la sorte. « Chère demoiselle Stahlbaum, je pourrais vous montrer, maintenant que mon ennemi est vaincu, des choses bien merveilleuses. Si vous m'accordiez la faveur de me suivre quelques pas seulement, faites-le, faites-le, bonne demoiselle. » L'Empire des poupées. Je crois, chers enfants, qui lisez ce conte, qu'aucun de vous n'eût hésité un seul instant à suivre le bon et honnête Casse-Noisette, qui ne pouvait avoir que d'excellentes intentions. Marie le fit d'autant plus volontiers qu'elle savait qu'elle pouvait compter sur la reconnaissance de son protégé et qu'elle était persuadée qu'il lui tiendrait parole et lui montrerait des choses magnifiques. Elle lui dit « Je viens avec vous, monsieur Drosselmeier, mais j'espère qu'il ne faudra pas aller bien loin et que cela ne durera pas longtemps, car j'ai encore besoin de sommeil. » « C'est pour cela même, répondit Casse-Noisette, que j'ai choisi le chemin le plus court, bien qu'un peu difficile. » Il la précéda, et Marie le suivit jusqu'à ce qu'ils fussent arrivés devant l'armoire aux habits de la chambre du rez-de-chaussée. Là, ils s'arrêtèrent. Marie fut étonnée de voir ouverts les battants de cette armoire, ordinairement toujours fermée. Elle aperçut en premier la pelisse de voyage de son père, faite en peau de renard, et qui était accrochée sur le devant. Casse-Noisette se servit du bord de l'armoire et des ornements comme d'escalier pour atteindre un gros gland qui, fixé à une forte ganse, tombait le long du dos de cette pelisse. Aussitôt qu'il eut fortement tiré cette ganse, un charmant escalier de bois de cèdre descendit d'une des manches de la pelisse. « Montez, s'il vous plaît, belle demoiselle !» s'écria Casse-Noisette. Marie monta, mais à peine avait-elle atteint le haut de la manche et avait-elle dépassé le collet, qu'une lumière éclatante vint éblouir ses yeux et qu'elle se trouva tout d'un coup dans des prairies embaumées de 1000 délicieux parfums, d'où s'élançaient en gerbes de lumière des millions d'étincelles avec l'éclat des diamants. « Nous sommes sur la prairie de Candy, » dit Casse-Noisette, « mais nous allons bientôt passer cette porte. » Et alors Marie, en levant la tête, aperçut la belle porte qui s'élevait sur la prairie à quelques pas devant elle. Elle semblait faite de marbre nuancé de blanc, de brun et de rose. Mais Marie vit, en s'approchant, que tout cet édifice était composé de dragées et de raisins de Corinthe cuits ensemble. Et Casse-Noisette lui apprit que par cela même, Cette porte qu'il passait alors était appelée porte de dragées raisins secs. Les gens du peuple l'appellent fort mal à propos porte de la nourriture des étudiants. Sur une galerie en saillie sur cette porte, et qui paraissait faite de sucre d'orge, six petits singes couverts de pourpoint rouge exécutaient la plus belle musique de janissaire que l'on pût entendre, de sorte que Marie s'aperçut à peine qu'elle s'avançait toujours plus loin sur des dalles de marbre de toutes couleurs, qui n'étaient autre chose que des tablettes de chocolat bien travaillées. Bientôt elle fut enveloppée des plus douces odeurs qui se répandaient d'un arbre étrange, qui s'élançait de deux côtés différents. Dans son feuillage sombre, on voyait étinceler, avec tant d'éclat que l'on pouvait tout d'abord les apercevoir, comme des fruits d'or et d'argent suspendus aux branches de mille couleurs, et le tronc et les rameaux étaient ornés de tresses et de bouquets de fleurs, comme le seraient de nouveaux mariés et leurs joyeux convives un jour de noces. Et quand les parfums des oranges couraient comme des zéphyrs qui volent, alors on entendait bruire les rameaux et les feuilles, et le grincement du clinquant, qui s'agitait, résonnait comme une musique joyeuse, aux accords de laquelle dansaient les petites lumières brillantes. Comme tout est beau ici, s'écria Marie, heureuse et enchantée. Nous sommes dans la forêt de Noël, bonne demoiselle, dit Casse-Noisette. Continua Marie, si je pouvais rester un peu ici, tout est si beau. Casse-Noisette frappa des mains, et aussitôt accoururent de petits bergers et de petites bergères, des chasseurs et des chasseresses, si blancs et si tendres qu'ils paraissaient être de sucre, et que Marie ne les avait pas encore remarqués, bien qu'ils se promenassent dans la forêt. Ils apportèrent un charmant fauteuil d'or, posèrent dessus un moelleux coussin de réglisse et invitèrent très poliment Marie à s'y asseoir. Et à peine eut-elle pris place que les bergers et les bergères commencèrent à danser un charmant ballet accompagné du cor des chasseurs, et puis tous disparurent dans l'épaisseur du bois. Pardonnez, estimable demoiselle Stahlbaum, si la danse se termine d'une manière si peu brillante. Mais ces gens appartiennent à notre ballet de marionnettes et ne peuvent que répéter toujours la même chose. Mais il n'y a pas de raison qui excuse les chasseurs de s'être montrés si paresseux. Mais ne voulez-vous pas poursuivre votre promenade? Oh, tout était bien beau et m'a bien plu, répliqua Marie en se levant et en suivant Casse-Noisette qui lui montrait le chemin. Ils suivirent les bords d'un ruisseau qui murmurait doucement, et d'où semblaient partir les senteurs délicieuses qui parfumaient toute la forêt. « C'est le ruisseau des oranges, » dit Casse-Noisette sur la demande de Marie. Mais, à part son doux parfum, il ne peut être comparé pour la beauté et l'étendue au torrent des limonades qui se jette comme lui dans la mer du lait d'amande. Et dans le fait, Marie entendit bientôt un murmure et un clapotement de vagues, et elle aperçut le large fleuve des limonades qui roulait ses fières ondes de couleur Isabelle sous des buissons tout flamboyants d'un vert émeraude. Une fraîcheur fortifiante pour la poitrine et le cœur s'élançait de ces admirables eaux. Non loin de là se traînait lourdement une eau d'un jaune sombre qui répandait de charmantes odeurs, et sur les rives de laquelle étaient assis de beaux petits enfants qui pêchaient à l'hameçon de petits poissons qu'ils mangeaient aussitôt, et que Marie en approchant reconnut pour être des sucreries. À une petite distance était situé un joli village au bord de ce torrent. les maisons, les églises, le presbytère, les granges, tout était d'une couleur brun sombre, et les toits étaient dorés, et plusieurs murailles étaient peintes de telle sorte qu'on eût dit qu'il s'y trouvait collé des morceaux de citron et d'amande. Ces pains d'épices, ville qui se trouve située sur le fleuve de miel. Il y a là une fort jolie population, mais elle est généralement assez maussade à cause des maux de dents qu'elle éprouve, et nous pouvons nous dispenser d'y entrer. Au même instant, Marie remarqua une ville dont toutes les maisons étaient transparentes et qui avait un charmant aspect. Casse-Noisette se dirigea de ce côté et alors Marie entendit un bruit très gai et vit des milliers de petits bonshommes occupés à déballer et à visiter des voitures chargées de bagages arrêtées sur le marché. Mais ce qu'ils en tiraient ressemblait à du papier peint de toutes couleurs et à des tablettes de chocolat. « Nous sommes à Bonbon Village, » dit Casse-Noisette. Et il est arrivé un convoi du pays du papier et du royaume du chocolat. Des pauvres habitants de Bonbon Village ont été dernièrement sérieusement menacés par l'armée de l'amiral des moustiques, et c'est pourquoi ils couvrent leur maison avec les envois du pays du papier et élèvent des fortifications avec les puissantes pierres de taille que le roi des chocolats leur a envoyées. Mais, chère demoiselle, ne visitons pas seulement les villes et les villages de ce pays. Allons à la capitale. Et Casse-Noisette doubla le pas. Et Marie le suivit, toute curieuse. Peu de temps après, il s'éleva un doux parfum de rose et tout paraissait entouré d'une lueur rosée qui montait doucement, comme portée par des zéphyrs. Marie vit que cela était causé par le reflet d'une brillante eau rose qui bruissait et babillait en petites vagues d'une couleur rose argentée dans les plus charmantes mélodies. Et cette eau gracieuse s'étendait de plus en plus et prenait la forme d'un lac où nageaient de magnifiques cygnes au plumage argenté et portant des rubans d'or. Et ces cygnes chantaient à l'envi les plus belles chansons, tandis que des petits poissons de diamants tantôt plongeaient dans cette eau et tantôt s'en élançaient, comme dans une danse joyeuse. « Oh !» s'écria Marie. « C'est un lac, comme le parrain Drosselmeyer voulait m'en faire un. Et je suis la jeune fille qui doit être caressée par les petits cygnes. » Casse-Noisette sourit avec un air de raillerie que Marie n'avait jamais remarqué en lui jusqu'alors. Et il dit: l'oncle n'est pas capable de faire jamais quelque chose qui ressemble à tout ceci, et vous-même encore moins, chère demoiselle Stahlbaum. Mais ne nous étendons pas là-dessus, embarquons-nous plutôt sur le lac rose pour la capitale qui nous fait face. La capitale. Casse-Noisette frappa encore ses petites mains l'une contre l'autre. Le lac rose se mit à faire un plus fort mugissement et ses vagues bruyantes s'élevèrent plus haut. Marie aperçut, comme venant des lointains, une coquille en forme de char faite de pierres précieuses de toutes sortes, brillantes au soleil et traînée par deux dauphins aux écailles d'or. 12 charmants petits maures avec des toques et des tuniques tressées avec des plumes de colibri, sautèrent tout d'abord sur la rive et portèrent Marie en premier et ensuite Casse-Noisette dans le char qui aussitôt s'avança sur le lac. Oh, comme c'était beau lorsque Marie, dans sa conque marine, entouré d'une vapeur de rose et porté sur les vagues roses quitta la rive. Nez de dauphin aux écailles d'or jetaient en l'air de leurs naseaux des gerbes de cristal qui retombaient en flamboyants et brillants arcs-en-ciel. Et on croyait entendre comme deux voix douces et charmantes qui chantaient. Qui nage sur le lac rose? La fée, Mukline. Bim bim, petit poisson. Sim sim, cygne. Joie, joie. Oiseau d'or. Trara, vague. Agitez-vous. Sonnez. Chantez. Soufflez, guettez, petite fée, venez, vague rose, ondoyez, respirez, rafraîchissez l'air, en avant, mais les 12 petits maures qui avaient sauté derrière la conque paraissaient prendre en très mauvaise part ces chants des gerbes d'eau, car ils secouèrent si fort leurs éventails que les feuilles de dattier dont ils étaient formés se fendirent, et en même temps, ils frappaient du pied dans une mesure étrange, et ils chantaient « clap et clip, clip et clap, en haut, en bas ». « Les maures sont des êtres très gais, » dit Casse-Noisette un peu contrarié, « mais ils vont me rendre les eaux rebelles. » Et en effet, on entendit bientôt un bruit assourdissant de voix confuses qui paraissaient nager dans les airs et dans les eaux. Mais Marie n'y fit pas attention, car elle regardait les vagues roses embaumées, et chacune de ces vagues lui montrait une figure gracieuse de jeune fille qui lui souriait. « Oh !» s'écria-t-elle joyeuse en frappant ensemble ses petites mains. « Regardez donc, mon cher monsieur Drosselmeier. Voici la princesse Pirlipa qui me sourit, merveilleusement belle. Oh, regardez, regardez, mon cher monsieur Drosselmeier. » Casse-Noisette soupira d'une façon presque plaintive et dit, oh, chère demoiselle Stahlbaum, ce n'est pas la princesse Pirlipa, c'est vous. C'est votre gracieuse image qui vous sourit charmante, reflétée par chaque vague rose. Alors Marie rejeta sa tête en arrière, ferma les yeux et fut toute honteuse. Au même instant, les 12 maures la prirent dans leurs bras et la descendirent de la conque marine sur la rive. Elle se trouva dans un petit bois qui était peut-être encore plus charmant que le bosquet de Noël. Là, tout brillait, tout étincelait à l'envi. Ce qu'il y avait surtout d'admirable, c'étaient les fruits étranges qui pendaient aux arbres et qui non seulement avaient une couleur singulière, mais aussi un parfum merveilleux. « Nous sommes dans le bois des confitures, » dit Casse-Noisette. « Mais voici la capitale. » Comment raconter les beautés de la ville qui s'offrit tout d'un coup aux yeux de Marie au-dessus d'un champ de fleurs? Non seulement les murs et les tours brillaient dans les couleurs les plus charmantes, mais l'on ne pourrait, quant à leur forme, trouver sur terre rien qui pût leur être comparé. Les maisons, au lieu de toits, étaient couronnées de tresses de fleurs, et les tours étaient ornées du feuillage le plus admirable et le plus varié que l'on pût voir. Lorsqu'ils passèrent sous la porte, qui paraissait être de macarons et de fruits confits, des soldats d'argent présentèrent les armes, et un petit homme enveloppé dans une robe de brocart se jeta au cou de Casse-Noisette en disant « Cher prince, soyez bienvenu dans la ville des pâtes confites. » L'étonnement de Marie fut grand lorsqu'elle vit un personnage de distinction reconnaître et appeler roi, le jeune Drosselmeier. Elle entendit tant de petites voix retentir et un tel bruit de jeux, de chants, de cris de joie et d'éclats de rire, qu'elle demanda à Casse-Noisette ce qu'elle devait en penser. « Oh, chère demoiselle Stahlbaum, répondit Casse-Noisette, c'est une chose toute naturelle. La ville des pâtes confites est un lieu de plaisir, et la population y est grande. C'est ainsi tous les jours, mais donnez-vous la peine d'y entrer. » Au bout de quelques pas, ils se trouvèrent sur la grande place, qui offrait le plus admirable spectacle. Toutes les maisons qui l'entouraient étaient de sucre travaillé à jour. Des galeries s'élevaient sur des galeries. Au milieu, se dressait un grand arbre gâteau praliné, ayant la forme d'un obélisque, et autour de lui quatre fontaines, d'un grand art, lançaient en l'air des jets de limonade, d'orgeat et d'autres boissons agréables. Et dans leur bassin s'amoncelait de la pure crème que l'on aurait pu manger à la cuillère. Mais ce qui était plus charmant que tout cela, c'étaient les charmantes petites gens qui se pressaient par milliers, tête contre tête, et riaient, plaisantaient, chantaient, enfin faisaient tout le bruit joyeux que Marie avait déjà entendu de loin. Il y avait là des messieurs et des dames en belle toilette, des Arméniens, des Grecs, des Juifs et des Tyroliens, des officiers et des soldats, des prédicateurs, des bergers, des pierrots, enfin tout le monde que l'on peut rencontrer sur la surface du globe. Dans un coin, il s'élevait un grand tumulte, et le peuple s'y précipitait en foule, car le grand Mongol se faisait porter là en palanquin, accompagné de 80 grands du royaume et de 700 esclaves. Dans un autre coin, arrivait aussi la corporation des pêcheurs composée de 500 personnes. Et pendant qu'ils s'avançaient en cortège, le grand Turc, aussi à cheval, suivi de 3000 janissaires, traversait le marché où se rendait aussi le chœur de l'opéra de la fête interrompue, qui chantait avec accompagnement d'orchestre. Levez-vous et remerciez le soleil puissant. Et il se dirigeait vers l'arbre gâteau. Alors ce fut une foule, un tohu-bohu des gens qui se poussaient. Bientôt des cris retentirent, car un pêcheur avait dans la foule abattu la tête d'un brame, et le grand Mogol avait été jeté à terre par un pierrot. Le bruit devenait de plus en plus fort, et l'on commençait à se bousculer et à se battre. Lorsque l'homme en robe de brocart, qui, à la porte, avait salué Casse-Noisette du nom de prince, monta sur l'arbre gâteau et, après avoir tiré par trois fois la corde d'une cloche très sonore, s'écria trois fois « Confiseur, confiseur, confiseur !» Aussitôt, le tumulte s'apaisa. Chacun chercha à se débarrasser de son mieux, et après que tous ces cortèges mêlés ensemble se furent débrouillés, on brossa le costume sali du grand Mogol et l'on remit la tête du brame. Alors, le joyeux bruit recommença de plus belle. « Que signifie cette invocation au confiseur, mon bon monsieur Drosselmeier ?» demanda Marie. « Ah, ma chère demoiselle Stahlbaum, répondit Casse-Noisette, le confiseur est un être inconnu ici, mais il est regardé comme exerçant une puissance effroyable, car l'on est persuadé qu'il peut faire des hommes ce que bon lui semble. C'est le destin. Il gouverne ainsi ce peuple, et il en est tellement redouté que son nom suffit pour arrêter le plus grand tumulte, comme le bourgmestre vient de vous en donner ici la preuve. personne ne pense plus aux affaires terrestres, à ses côtes foulées ou à ses bosses à la tête, mais on se recueille en disant « Quel est cet homme ? Que peut-il faire ?» Marie ne put retenir un cri d'étonnement lorsqu'elle se trouva tout à coup devant un château tout resplendissant d'un reflet rose, flanqué de 100 hautes tours. Partout de riches bosquets de violettes, de narcisses, de tulipes, de giroflées étaient répandus sur les murailles, dont la couleur chaude et sombre rehaussait l'éclat du terrain d'un ton blanc rosé. La grande coupole qui se levait au milieu de l'édifice, comme aussi les toits des tours, d'une forme pyramidale, était semée de 1000 petites étoiles brillantes d'or et d'argent. « Voici le palais Frangipane, » dit Casse-Noisette. Marie était toute concentrée dans la contemplation de ce palais merveilleux. Cependant, elle remarqua que le toit d'une grande tour manquait tout à fait et que des petits bonshommes placés sur un échafaudage de zinc semblaient vouloir le rétablir. Avant qu'elle eût le temps d'interroger Casse-Noisette à ce sujet, celui-ci continua ainsi. Il y a peu de temps, ce beau château fut menacé d'une affreuse dévastation, sinon d'une destruction complète. Le géant Gourmet passa par ici, mangea d'un seul coup le toit de cette tour et rongea un peu de la grosse coupole. Les bourgeois lui abandonnèrent un quartier de la ville et une partie assez considérable du bois confiture en tribu. Et son appétit étant apaisé, il s'en alla. Au même moment, on entendit une douce musique. Les portes du château s'ouvrirent. Et 12 pages en sortirent tenant en main des tiges d'œillets aromatisées, allumées, qu'ils portaient en guise de torche. Leur tête était formée d'une perle, leur corps était des rubis et des émeraudes, et leurs pieds étaient d'or, admirablement travaillés. Derrière eux marchaient 4 dames, presque aussi grandes que la Claire de Marie, mais couvertes de costumes d'une telle magnificence que Marie reconnut aussitôt en elles des princesses de sang. Elles embrassèrent Casse-Noisette de la manière la plus tendre, et elle criait en même temps d'une voix attendrie « Oh, mon prince, mon cher prince, oh, mon frère !» Casse-Noisette paraissait très émue, et il s'essuyait souvent les yeux. Puis il prit la main de Marie et dit d'un ton pathétique « Voici, mademoiselle Stahlbaum, fille d'un estimable médecin consultant. Elle m'a sauvé la vie. Si elle n'avait pas jeté sa pantoufle en temps opportun, si elle ne m'avait pas procuré le sabre du colonel en retraite, je serais descendu dans la tombe, mis à mort par les dents maudites du roi des souris. Oh, Pirlipa, bien qu'elle soit née princesse, égale-t-elle en beauté, en bonté et en vertu, mademoiselle Marie ? Non, dis-je, non. » Toutes les dames répétèrent à la fois « non ». Elles tombèrent en sanglotant aux pieds de Marie et s'écrièrent « Oh, noble protectrice de notre frère bien-aimé, excellente demoiselle Stahlbaum !» Et les demoiselles conduisirent Marie et Casse-Noisette dans l'intérieur du château et dans une salle dont les murs étaient de cristal étincelant, coloré de toutes nuances. Mais ce qui plut surtout à Marie, ce furent les charmantes petites chaises, les commodes, les secrétaires, etc., placées tout autour et qui étaient de bois de cèdre ou du Brésil incrustées de fleurs d'or. Les princesses forcèrent Casse-Noisette et Marie à s'asseoir et leur dirent qu'elles voulaient leur préparer un festin à l'instant même. elles allèrent chercher une multitude de petits plats et de petites assiettes, de la plus fine porcelaine du Japon, et des couteaux, des fourchettes, des râpes, des casseroles, et une foule d'ustensiles de cuisine d'or et d'argent. Puis elles apportèrent les plus beaux fruits et les sucreries les plus délicates, comme Marie n'en avait jamais vu, et commencèrent aussitôt, avec leurs mains délicates et blanches comme la neige, à presser les fruits, à écraser les épices, à râper les dragées, et enfin à s'occuper des soins du ménage. Marie vit comment les princesses s'entendaient à la cuisine. Elle devinait qu'elle allait faire un charmant repas, et elle désirait secrètement prendre aussi part aux occupations des princesses. La plus belle des sœurs de Casse-Noisette, comme si elle avait lu dans l'esprit de Marie et deviné son intention secrète, lui dit, en lui présentant un mortier d'or, « Ô douce amie, vous qui nous avez conservé notre frère, soyez assez aimable pour piler ce sucre candi. » Lorsque Marie se mit à l'œuvre pleine de joie, le mortier résonnait sous ses coups comme une agréable chanson. Alors Casse-Noisette commença à raconter en détail ce qui s'était passé dans l'effroyable bataille entre son armée et celle du roi des rats. Comment il avait été à moitié battu par la lâcheté de ses troupes. Et comment enfin, lorsque l'affreux roi des souris voulait le mettre à mort, Marie avait pour le sauver sacrifié plusieurs de ses sujets qui étaient passés à son service. Il raconta bien d'autres choses encore. Il semblait pendant ce temps à Marie que les paroles de Casse-Noisette se perdaient pour ainsi dire dans les lointains, comme aussi ses coups dans le mortier. Et bientôt, elle vit des gaz d'argent s'élever comme de légers nuages, dans lesquels les princesses, les pages, Casse-Noisette et elle-même planaient dans les airs. Un étrange murmure de chants et de bruits confus se fit entendre, qui résonnait dans l'espace. Et Marie, sur les nuages qui s'envolaient, montait haut, plus haut, toujours plus haut encore. Dénouement. Marie tomba d'une hauteur immense. Ce fut une secousse. Mais aussitôt, elle ouvrit les yeux. Elle était couchée dans son lit. Il était grand jour. Sa mère était devant elle et elle disait « Mais comment peut-on dormir ainsi? Le déjeuner est là depuis longtemps. » Le lecteur honorable devinera sans doute que Marie, fatiguée de tant de merveilles, s'était endormie dans la salle des frangipanes, et que les maures, les pages, ou peut-être bien les princesses elles-mêmes, l'avaient emportée chez elle et placée dans son lit. « Ô mère, dit Marie, chère mère, que de belles choses j'ai vues là où le jeune Drosselmeier m'a menée cette nuit. » Alors elle raconta, tout exactement comme je vous l'ai raconté moi-même. Et la mère la regarda tout étonnée et lui dit lorsqu'elle eut fini de parler « Tu as fait un beau et long rêve, chère Marie, mais chasse toutes ces choses de ta tête. » Marie soutint opiniâtrement qu'elle n'avait pas rêvé et qu'elle avait vu tout en réalité. Alors sa mère la conduisit devant l'armoire vitrée, en sortit Casse-Noisette de son rayon, qui était ordinairement le troisième, et dit « Comment peux-tu croire, petite niaise, que cette poupée de bois faite à Nuremberg peut vivre et se mouvoir ?»« Mais, chère mère, dit Marie, je suis bien certaine que le petit Casse-Noisette, le jeune Drosselmeier de Nuremberg, est le neveu du parrain Drosselmeier. » Alors le médecin consultant et sa femme se mirent à rire bruyamment tous les deux à la fois. « Ah ! » dit Marie presque en pleurant. « Pourquoi, cher père, te moques-tu de mon bon Casse-Noisette ? Il m'a dit tant de bien de toi lorsque nous sommes entrés dans le château frangipane.